B-L-A-C-K-M. Les gros yeux. Oh, oh, oh. Laisse-moi faire, pousse-toi. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Ils veulent nos codes et nos gimmicks, oh. Mais WTB, c'est nos limites, oh. Ils veulent représenter ma ville, oh. Mais ils savent qui contrôle Belize, oh. J'marche seul, j'suis ailleurs, ailleurs, loin de ton game. J'marche seul, ailleurs, ailleurs, comme les Saiyans. J'avance dans le noir, mes gros yeux en guise de phare, j'ai pas de frein. Hello le game, yeah, yeah. Comment allez-vous depuis Wattie House? Quoi, c'est le Big Black M que tu compares à cette enfoiré de Mikey Mouse? Wesley Snipes, laisse la famille, vas-y laisse les slaps. De toute façon pour tout le monde espèce, je veux juste qu'on paye moi et en espèce. Mayday, venez m'aider, je ne veux pas de vos ladies. Je vous l'ai dit, je veux des fafas à la mairie. C'est pénible, la que bon ne fait pas crédit, je suis pas crédible. Mon équipe elle est critique et si tu la poses à bout tu peux te faire liquider. Sors de ta bulle, ce n'est pas mitigé, slow que t'entends ça fait plus de 10 piges. Black Kicker, oh les MC vous me fatiguez. Je regrette l'époque où le fat kickait. Et toi on ne s'est toujours pas quitté. Ça kick comme c'est pas permis, si tu négliges on te termine. Oui Black Shady n'est qu'une vermine. Oui je suis ton père et je te fléchis, oh oh oh. Ils veulent nos codes et nos gimmicks, oh. Mais WTB c'est nos limites, oh. Ils veulent représenter ma ville, oh. Mais ils savent qui contrôle Belize, oh. J'marche seul, j'suis ailleurs, ailleurs, loin de ton game. J'marche seul, ailleurs, ailleurs, comme les Saiyans. Et j'avance dans le noir, mes grouilleuses en guise de phare, j'ai pas de frein. Ce n'est pas le premier single, non, non, c'est juste une pression, pression. Allô les puristes de merde, le Black M ne veut pas de vos impressions. Ouais, ouais, j'ai le seum, je mélange tout, même l'ingé son peut s'en manger une. La vérité sort de la bouche des alcooliques, ne venez pas me voir quand j'ai bu. Qui est dans le turfu? Oui, dis-moi qui est dans le turfu. Les MC te diront plus tard qu'à cause de moi, leur passé fut dur. Bon, mon rap c'est pas la hure, mais la hure elle aime mon rap. J'ai l'antidote contre l'Alzheimer, oui ma musique elle aime mon rap. Dans ma tête, j'suis pas solo. Dites à tout le monde qui m'en follow. Ou juste à Beyoncé qui me follow. J'sais que vous en demanderez encore. Wesh le game, c'est comment on s'ennuie, ça fait.